Voilà, sans transition, avec une petite, une mini-transition qui est juste de dire qu'il n'y en a pas. Nous recevons Vania Jekin-Mielzaki et Rudy Dessellière, qui pour une fois est derrière le micro. Et qui va être obligé de parler. Et qui va être obligé de parler. On va le suramplifier pour être sûr d'entendre quelque chose. On peut mettre de la réverb aussi. Oui, on peut mettre de la réverb parce que son installation est, ouais. est assez bien réverbérée dans l'église Saint-François de Sales. Ben, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. De quoi est-ce qu'on parle ? Alors, on parle du grand tabou aujourd'hui. On parle de la mort. Ok, pourquoi c'est... C'est direct, c'est brut. On va pas faire de détour. Le grand tabou, ça fait un peu un type dans le village à qui on a filé un surnom. Ça, voilà le grand tabou. Ça, c'est le grizzly, ça. C'est le grizzly. C'est pas le même. C'est un autre. T'as ouais. déjà rencontré quelqu'un qui avait comme surnom le grizzly ? J'ai rencontré un grizzly une fois. Ah, un ouais. vrai ? J'ose pas dire où parce que ça va donner beaucoup d'informations sur moi. Ok. Mais. On s'est pris en photo ensemble. Ah oui. Ouais, je crois qu'il s'appelait Fred, c'était très sympa. Fred le grizzly. Voilà. Okay. Oui, alors vous avez passé 3 extraits d'un podcast que je suis en train de fabriquer sur ce sujet. Et puis je me disais qu'on pourrait clore ce petit cycle avec une conversation. Et donc je voulais revenir sur ce qui m'a amené à faire ça. Donc moi à la base je fais du documentaire audiovisuel et puis là je suis partie dans un documentaire uniquement sonore parce que je suis partie assez sérieusement au début. Au début je me suis dit oh, c'est un sujet quand même un peu... j'étais en train de méditer un jour et puis tout d'un coup je me suis rendu compte que j'étais en train de me préparer à mourir. Comme ça. Ouais, c'était vraiment très étrange. Je me suis dit... Parce que des fois, vraiment, tu te poses des questions quand je sais pas si tu médites. Oui, ça m'est arrivé. Ouais, je crois que tous secrètement, des fois, on s'y met. Il y a tellement de manières de méditer sans forcément l'appeler par ce nom-là, mais oui. Voilà. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, ce que tu es en train de faire là, c'est te préparer à mourir. Et j'ai trouvé ça très étrange. Et je suis allée. Chercher de la lecture là-dessus, la méditation, la mort, est-ce que par hasard ça résonnait ? Et je suis effectivement tombée sur un livre de méditation qui s'appelait « L'art de mourir ». Et j'ai trouvé ça fantastique sur le moment. Et au début, c'était un peu lourd. Je trouvais lourd comme sujet, mais je me suis dit « mais il y a vraiment quelque chose là qui m'intéresse. J'ai envie d'approfondir la chose. » Et je ne savais pas trop comment y aller, et la méthode sonore me paraissait plus délicate. Plutôt que d'aller filmer des gens et de qui se retrouvent face à une caméra à parler de choses peut-être très intimes, je me disais qu'à travers le son, c'était plus doux, ça ouvrait peut-être plus de portes, plus d'intimité. Et donc je suis partie là-dedans. Et là aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous deux. De votre rapport à vous, à la mort, pour commencer à casser le mur du tabou. Il y a pas mal de gens. Je m'attendais pas. T'es choqué ? Non, je suis pas choqué, mais non. T'as pas préparé. Je me suis pas préparé à mourir ou à parler de la mort. Mais c'est très bien. Oui. C'est très bien parce que justement, je pense que là, on se prépare pas tellement à mourir. Bon, on a le droit de mourir sans s'y être préparé. Donc, je crois que c'est. Voilà, je crois que c'est une des possibilités. Oui. Et d'ailleurs, au début, je m'étais dit. Je vais probablement devoir partir très loin à l'étranger pour étudier la question, parce que justement ici, moi, autour de moi, dans mon monde, je ne voyais personne penser à la mort. Je ne voyais personne en parler comme ça, autour d'une bière ou autour d'un plat, un soir, un repas. Et moi, je m'étais dit assez basiquement, en fait, c'est que ici, la mort, on la cache, on la met sous la table, on ne veut pas en parler, on préfère l'éviter autant que possible, et puis c'est plus un problème administratif qu'autre chose. C'est... Oui, mais c'est pas trop le nôtre. À partir du moment où on meurt, c'est celui des autres. Ah voilà. Voilà. Oui, effectivement. Donc on se confronte même pas trop à ça, en fait. Mm-hmm. Mais il y a des gens autour de nous. Oui. Oui, c'est ça. Donc on se retrouve parfois à un enterrement. Et moi, je ne trouvais pas les enterrements très consistants ici. Souvent, c'est pas très adapté à ce qui, moi, me ferait traverser un deuil. Mais je pense justement qu'il y a deux perspectives différentes. Et là, on est en train de parler des deux en même temps. C'est qu'il y a notre perspective face à notre mort. Et puis, comment est-ce qu'on vit la mort de nos proches, qui sont deux choses, je pense, totalement différentes. Alors, est-ce que toi, Antoine, tu te projettes pas du tout dans ta propre mort? Non, alors je dirais pas ça, non. Je pense que c'est une question qui se pose, enfin qui s'est déjà posée quelques fois de manière plutôt aiguë. Enfin, lié à mon parcours personnel et d'avoir été confronté à des situations qui était un petit peu limite. Mais avant de parler de ça, comme tu évoquais le fait d'avoir travaillé sur la mort d'un point de vue sonore en allant interroger des gens plutôt que de les filmer, et puis qu'on est aussi là dans une radio d'un festival de musique contemporaine, et puis qu'on parle beaucoup de son, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ta volonté aussi, dans la proposition de passer ces épisodes ici à l'antenne, et puis aussi en lien avec ce qui se passe ici dans le cadre du festival? Ben oui, c'est pour ça que j'ai invité Rudy à venir se rejoindre à nous. C'est quand on en a parlé avec Marie Janson, je lui parlais de ce documentaire sonore que j'étais en train de faire, et elle me dit « Ah ben c'est marrant, un des instruments à l'honneur, ça va être l'orgue ». Et alors elle, dans sa tête, tout de suite, elle a pris ce chemin-là, la mort, l'orgue. Et puis quand je t'ai proposé cette discussion, on redit, toi t'étais étonné. Bah ouais, en fait ça date de... Il y a un jour où j'ai écouté la radio, je confesse, j'ai pas écouté tous les jours. Cette radio ? Oui, ah. Oui, pardon, la radio, quelle autre radio ? Et du coup, je me souviens que, donc il y a eu le... Donc les extraits de ce que tu fais, Vania, des documentaires, je sais pas comment tu les appelles, et puis Emma a clôturé la chose en faisant un rapport avec mon installation, composée de 11 duos d'orgue qui restituent des sons très graves. Voilà, je suis en train d'en diffuser un petit field recording expérimental, mais oui. Trop bien. Et du coup, voilà, Emma a fait directement ce lien avec, entre quelque part, la thématique de Vania, la mort, et les tuyaux d'orgue dans l'église. Et j'étais là, what? Attends, moi je le vois pas comme ça. Pourquoi pas, je veux dire, mais j'ai jamais, enfin, j'avais pas fait ce lien-là, moi, en préparant l'installation, j'avais pas l'impression que c'était une sorte d'ode à la mort ou que ça réveillait quelque chose de ce. De ce rapport-là, de cet ordre-là. Et en fait, j'ai réalisé, après coup, je suis allé retourner voir l'installation, puis je me dis, mais en fait, c'est une installation du vivant, pas du tout de la mort. Parce que c'est justement, enfin, je trouve que ça évoque tout ce qui est vivant, pour moi, évidemment. Après, je comprends très bien quel lien a été fait et pourquoi, mais je me suis dit, ouais, c'est en fait un peu dommage, en fait, d'associer le son de l'orgue, le timbre peut-être, ou. La typologie avec la mort, alors que peut-être parce que les enterrements, j'en sais rien, mais oui, ça, je c'est crois très que dans l'association qu'on a faite, il n'y avait pas forcément une volonté de caractériser un son, le son d'un instrument particulier, ou qui plus est ton installation comme étant quelque chose qui évoquait directement la mort, mais il y a la présence d'orgue pendant le festival, d'orgue au pluriel, pendant le festival, et puis il y a quelque chose qui finalement trait aussi au rituel, à tout un imaginaire qui accueille entre autres la mort d'ailleurs, justement, enfin, si on parle de tabou, il y a un contexte où finalement ce tabou est peut-être moins existant parce qu'il y a quelque chose, enfin il y a une présence de la mort entre autres, c'est finalement dans le contexte peut-être un petit peu spirituel, et puis dont on a une part en écoutant notamment ces instruments, les orgues qui peuvent finalement nous ramener à beaucoup de choses, dont la mort. Et puis, dans le cadre du travail que tu présentes, il y a aussi un travail sur la thématique de la disparition. Donc, ce n'est pas une disparition au sens d'une mort, mais c'est finalement jouer... Enfin, ça, tu sauras peut-être mieux l'expliquer que moi, de jouer finalement sur cette fine crête entre ce qui est de l'ordre de l'audible et de l'inaudible. Alors, absolument. Après, quand moi je pense à cette fine crête, je pense surtout à la limite entre l'audible et le physique. Et pas tellement. Alors, bien sûr que ça devient l'inaudible, mais c'est que ça devient l'endroit où ça commence à faire vibrer le corps plutôt que quelque part à l'intérieur de l'oreille, où justement peut-être que ça travaille sur l'équilibre et pas tant sur les fréquences, la hauteur des notes. Et c'est plutôt ça que moi je cherche. Enfin, alors bien sûr qu'il y a une histoire de disparition, je suis complètement d'accord, rien que sur le travail de la composition, ça se fond un petit peu avec ce qui se passe autour. C'est pas toujours facile de percevoir, et ça joue sur cette question-là d'essayer d'entendre et de sentir ce qui se passe dans l'installation, mais tout autour. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait un truc avec cette histoire de rapport à la mort où j'avais... ça m'a redonné une perception d'un instrument très vivant, mais ça va pas en contradiction avec tout ce que tu disais avant, mais autant le souffle qu'il apporte, puisqu'on est vraiment dans une histoire de souffle sans arrêt, et ça s'entend d'autant plus dans les tuyaux de basse fréquence, puisque la quantité d'harmonique, le rapport quelque part entre le son signal bruit est assez pauvre. Donc en fait, on a beaucoup de souffle. D'ailleurs, ça a été toute une histoire genre, pour essayer de réduire tous les bruits parasites de la soufflerie, enfin, et du souffle aussi, pour essayer d'entendre juste la note. Mais voilà, donc il y a toujours ce souffle qui est là. Je trouve qu'il y a aussi et puis du battement, tout simplement. Il y a vraiment une histoire de battement de cœur, mais peut-être qui évoque une absence, j'en sais rien, mais il y a un truc où on est dans des fréquences très très très basses, donc et puis aussi avec les accordages microtonaux, il y a vraiment ces petites ces nœuds de fréquences qui créent des battements qui sont pas très loin du battement d'un cœur, enfin d'un battement à 120 ou bits par minute. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai un peu pris cette optique, mais je trouvais ça assez intéressant de poser cette question en fait. Enfin, oui. Moi je trouve hyper intéressant que toi, à aucun moment tu aies pensé à la mort, parce que tu as quand même monté ton installation dans une église, et je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne vont à l'église que pour les mariages et les enterrements. Et je crois qu'il y a, il doit y avoir un ou deux morceaux de musique de mariage, non, qu'on a quelque part dans la tête. Et puis tout le reste, bah c'est quand même assez lourd. Après, ton orgue à toi que tu as construit, qui est magnifique, géant, et qu'il faut aller voir, il nous sort complètement du contexte. Enfin, et puis le son qu'il fait, il a rien à voir avec le son qu'on a l'habitude d'entendre dans une église. Mais moi, je me suis demandé comment toi tu te vois, parce que t'as travaillé dans des églises, il me semble. Comment tu te sens quand t'es dans une église? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, je pense à ma maman qui ne serait pas du tout contente que je sois dans une église, puisque moi j'ai été éduqué dans la religion juive et on rentre pas dans les églises. Donc déjà, je suis assez content parce que c'est déjà un premier pas de pas faire ce qu'il faut. Voilà, merci. T'as pas été facile de s'émanciper de tout ça. Comment je me sens? Je me sens pas à ma place déjà, parce que justement j'ai pas cette culture en fait de qu'est-ce qu'il faut faire. Je trouve ça fascinant de voir les personnes croyantes s'allonger par terre pour embrasser le sol et pour... Ah, il y a des gens qui s'allongent par terre. Oui. Ouais, je suis aussi nul que toi en église, je pense. Donc il y a des gens qui signent. C'est pas dans toutes les églises, j'imagine. Mais c'est étonnant, à Saint-François de Sales, là, il y a des gens qui se... Oui, c'est assez intense. Se prosternent, se couchent par terre. Oui. Ok. Pas tout le monde, hein. Mais en général, les gens signent, se mettent un petit peu, baissent le genou, enfin plient le genou. D'accord. Mais ça arrive que les gens s'allongent vraiment. Okay. Voilà. Après, il y a des gens de différents horizons, j'imagine différents types de cultes qui se passent là-bas. Donc voilà, c'est assez varié, et puis c'est assez beau à voir. Comme la messe érythréenne orthodoxe qui se passe avant la messe officielle. Donc c'est aussi assez beau ce petit groupe. Ça peut être intéressant à l'écouter d'ailleurs, en général à 17h30, juste avant la messe à 18h. C'est pas du prosélytisme, c'est juste pour... Mais, de l'info. Voilà, de l'info. Mais je trouve hyper intéressant parce qu'en fait, t'amènes justement, je pense, la base de tout ça, c'est que c'est la culture. Et selon la culture dans laquelle on a été éduqué, on va percevoir la mort d'une manière totalement différente. Toi, t'as été éduqué dans le judaïsme. Moi, j'ai été éduqué dans une guerre de religion, donc j'avais le droit d'entrer dans aucun temple, parce que finalement, c'est ça qui maintenait la paix chez moi. Mais du coup, on m'a éduqué, comme je le dis dans le podcast, à la sauce néant. Tu meurs, il n'y a plus rien. Et là, ça me fait revenir au podcast. Oui. Ben, en fait, c'est marrant, parce qu'au début, je disais, je l'ai pris très sérieusement. Les églises, c'est assez sérieux aussi. Hein. Les orgues aussi, c'est très sérieux comme instrument. Et puis, j'ai décidé d'alléger la chose en allant plus vers... je vais mener une enquête. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il advient de nous au moment où on meurt. Et où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? Et ça allait très à l'encontre de mon éducation. Mais je trouvais que c'était une manière légère. Que je pouvais, moi, teinter d'humour pour aborder ce sujet-là et pas tomber dans un espèce de truc ultra dark. Ça aurait été facile aussi. Mais le souffle, ouais. Le souffle. Et puis le aussi, souffle, encore, le battement de par cœur. Rapport à comment se sentir dans une église, juste pour revenir à ça, c'est, je trouve, hyper intéressant malgré tout. En fait, il y avait déjà le désir de sortir de la maison communale de Plainpalais, juste tout simplement. Je trouve que ça fait du bien qu'il se passe quelque chose en dehors de notre QG de cœur. Et puis il y a aussi le fait d'aller quelque part dans un autre QG et de faire une sorte de pont. Alors, il n'y a pas de grandes ambitions à ça, mais c'est tout simplement se déplacer un petit peu et puis se retrouver dans un contexte qui est aussi très intense, avec beaucoup de croyances aussi, voir comment ça dialogue ou ça dialogue pas, enfin voilà, mais qu'est-ce que ça crée comme trouble à moi-même et puis à d'autres, et puis aussi peut-être comme événement, quand je dis trouble, ça peut être des troubles positifs, donc voilà, il y a et puis aussi, en tout cas, comme je disais, moi je me sens pas forcément à l'aise au début en arrivant dans une église. Mais petit à petit, on apprivoise l'espace, les codes, l'ambiance. Mais comme tu disais, c'est incroyable que j'ai pas pensé à la mort. Effectivement, c'est assez étrange. Mais c'est vrai que peut-être j'ai été trop concentré sur mon projet de faire cet orgue. Après, on peut peut-être se demander, peut-être que là ça... comment dire, ça revient à ta première question, quel est notre rapport à la mort. C'est pas impossible que la constitution de cet objet, l'imagination, soit liée avec quelque part une mort d'il y a très longtemps, qui est en moi et qui habite peut-être quelque part tout mon travail. Ça, j'en sais rien, mais c'est pas du tout impossible. Donc peut-être qu'il y a un lien, mais qui est quelque part qui est complètement enfoui très profondément. Ou maintenant, je pense à mes installations sans réfléchir directement aux thématiques ou au trauma. J'en sais rien, mais c'est pas impossible qu'il y ait un truc. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien tout d'un coup réfléchir à l'église parce que dans notre société, c'est le haut lieu de la croyance. Tout à l'heure, tu parlais de croyance et j'ai trouvé drôle parce que t'es passé des croyances qu'on peut avoir dans le QG de la salle Pitof, dont vous avez pas mal parlé, je crois, cette semaine, et les croyances qu'il peut y avoir dans une église. Et c'est le lieu où on parle d'une vie après la mort. Et ça, c'est quelque chose qui traverse pas la porte de l'église. Donc c'est... Alors, pas que de la croyance d'une vie après la mort, mais c'est aussi notre... ce fut un jour notre lien direct avec la spiritualité. Et c'est vrai que ça, c'est une question qui m'a beaucoup amenée à aller visiter la question de la spiritualité, des croyances. Et c'est marrant, même autour de cette table, je sens qu'on a beaucoup de difficultés à aller là-dedans, à simplement... On a besoin de revenir au matériel. Et je parle beaucoup de ça, en fait, de ce... la science, je suis allée interviewer plusieurs scientifiques et puis où je me rends compte qu'on vit complètement, totalement dans un paradigme matérialiste qui nous empêche de penser certains sujets, comme celui-là par exemple. Et comme si on s'accrochait à la matière. Et même le souffle devient matière, même le son du battement du cœur. Et pourtant, le son, en tant que tel, on ne le voit pas, il est invisible. C'est de l'air qui vient cogner contre nos tympans. Et je trouve intéressant parce que finalement, c'est l'invisible. Mm-hmm. En fait, c'est penser l'invisible que moi j'avais envie de proposer. Bon, moi je trouvais, alors pour parler de l'église ou des religions, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on passe la porte d'une église, on est moins confronté à nos questions qu'à une réponse, en fait. Et puis, mais ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas en train d'y penser pour en dehors de l'église, ou qu'on n'est pas confronté à ces questions-là, et puis qu'on n'en fait pas un peu notre petite popote d'une autre manière. C'est juste que c'est peut-être un peu difficile d'élaborer chacune un discours organisé par rapport à ça, et puis de fournir une réponse. Mais quelque part, je trouve pas inintéressant non plus de ne pas avoir de réponse formulée clairement. Ça veut pas dire que on n'a pas de sentiments par rapport à ça. Et puis pour reparler aussi de ton installation par rapport à ça, pour y être allé plusieurs fois, j'ai pas forcément été saisi par une réflexion autour de questions aussi profondes que ce dont on est en train de parler ici, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la présence, de quelque chose qu'on a tendance à considérer comme étant invisible, donc qui n'a pas forcément d'existence, de matérialité propre, mais qui en a, pour moi, qui en a véritablement une. Enfin, je me sentais très vivant et très en résonance en écoutant à chaque fois ce qui se produisait. Et puis, je repense à une remarque que j'ai entendue justement dans un des récaps. Je crois que c'est Vincent Henny qui était devant, qui a dit avoir visité cette installation, avoir vraiment été saisi par le fait qu'il y a vraiment quelque chose de très matériel, de très physique dans la manière dont l'air s'échappe de ses tuyaux et puis crée une présence, que ce soit sous forme de battement ou de résonance avec le bâtiment en entier. Alors, on est en train de parler de la mort en parlant de la vie, mais peut-être que c'est quelque chose. Mais c'est hyper important. Je crois que c'est le seul moyen d'en parler. Voilà, c'est peut-être le seul moyen qu'on a d'en parler. Je crois qu'on n'en a pas d'autre. Voilà, vu qu'on a, on a de la peine à avoir un pied dans les deux. Enfin voilà, c'est un peu. Mm-hmm. Ouais. C'est pas facile ce que je vais essayer d'articuler, mais en gros, en fait, c'est parce que toi tu dis le son c'est invisible. Alors bon, moi je suis pas d'accord. Merveilleux. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que la musique elle est invisible pour moi. Et du coup, c'est là que je trouve la chose hyper intéressante. Alors donc le son c'est invisible parce qu'on voit pas ça avec les yeux, mais en vrai on est dans une matière, on n'est pas dans le vide. C'est juste qu'elle est pas assez dense pour qu'on la voit, mais en gros c'est là quoi. Donc on est comme dans de l'eau en fait, c'est juste plus dilué. Donc c'est par là que le son va, traverse, c'est très physique. Et puis c'est ça que j'adore aussi avec mon installation, si j'ose dire. C'est que justement, je trouve que ça, potentiellement, ça fait sentir un petit peu cet air et cette densité de l'air. Mais par contre, là où c'est invisible, c'est l'effet que ça nous fait musicalement. Et ça, c'est un endroit que je comprends pas encore. C'est comment ça se fait que ça nous affecte, quelque part. Telle musique nous donne telle sensation et tout ça, on sait que ça existe, mais pourquoi, comment, bien sûr que c'est culturel, enfin on pourra en discuter j'imagine des heures, il y a des gens qui doivent être extrêmement spécialistes sur la question, mais je trouve que c'est ça le vrai lien peut-être avec ce dont on n'arrive pas à parler, avec justement l'absence, avec, enfin pour moi tout ça est lié à cet endroit là et pas dans l'invisible mais dans le. Enfin oui, c'est cet invisible-là, en quelque sorte. En fait, tu parles de rendre visible le visible, quelque part. Rendre visible le visible. Avec, quand tu dis que toi, tu oui, vois le son. Oui, oui. Que le son, il n'est pas invisible. Oui. Ouais, moi, je crois que je veux faire pareil, moi. Oui. Je veux rendre visible l'invisible. Oui. Ouais. Parce que tout à l'heure, Antoine disait, on a tous nos croyances, notre soupe intérieure, mais le fait de la formuler, ça lui donne une consistance. Le fait de... Parce que je pense qu'on est juste très seul, chacun, avec nos trucs, nos soupes intérieures. Et que le fait de pouvoir justement en parler, ben, ça relie, ça change les choses, ça transforme. Et je pense que pour moi, c'était juste ça le but. Alors peut-être une dernière question, parce qu'on va... Le partage d'écoute a déjà commencé, j'imagine. Mais pourquoi ce titre, La mort, c'est pas si grave? Mourir, c'est pas si grave. Mourir, c'est pas si grave. Bah, justement, pour dédramatiser. Emma. Et puis. Emma est arrivée. Tu es revenue. Oh, voilà, tadam. Bon, alors. Parce que justement, l'idée de. Je savais que je trouverais pas de réponse à ma question. Qu'est-ce qu'il advient de nous au moment où on meurt? Je vais pas la voir tant que je suis vivante, ma réponse. Et donc c'est une vraie fausse enquête. Je pense que c'est une enquête existentielle, mais je pense que l'existentialisme, ça peut être très lourd et très complexe, et que j'avais envie de le rendre, j'avais envie de l'alléger, je vais dire à nouveau alléger, comme l'air, comme le son invisible, et rendu visible. Quelque chose de qu'on ait envie d'écouter, en fait, qui amène une certaine curiosité, tout simplement. Et donc, tu nous as partagé trois extraits d'une série qui sera plus importante. Est-ce que tu peux dire comment ça va se passer pour la suite? Ouais, du coup, ce sera une série de 6 épisodes de 30 minutes chacun. Voilà. Et ce sera diffusé... C'est mystère encore. Mystère et boule un de gomme. Un mystère de plus, mais décidément. Merci beaucoup, Vania, Rudy. Merci.